Elle s'avance lentement, sans prendre gare au regard. Elle n'entend jamais mes mollets ni mes beaux. Elles se travestissent, bonbons ou réglisses, usent d'artifice, je connais tous leurs sacrés vices. Ba-di-ba, di-ba-di-ba. Ba-di-ba, di-ba-di-ba. Ba-di-ba, di-ba-di-ba. Ba-di-ba, di-ba-di-ba. Elle se dessine entre les annonces de plage et de soleil. Moi qui n'aurais même pas de quoi pour un ticket vermeil. Elles ondulent lentement, parfois s'arrêtent un instant, mais elles n'entrent pas et disparaissent tout le temps. Ba, di ba, di ba, di ba. Ba, di ba, di ba, di ba. Ba, di ba. Diba, diba, diba, diba, diba. Parfois je suivrai bien ces deux-là qui m'attirent. Oh, j'y crois pas, j'hallucine, je les ai vus me sourire. Elles entrent en s'agitant, je suis blême, je transpire. Soudain je craque, je les prends à mon cou et je me tire. Ba, di ba, di ba, di ba. Ba, di ba,